Si tu es ma lumière, ne me laisse pas dans la rue, ni dans la mer des méchants, ni dans le néant. Jésus, oui, c'est toi qui brille dans ma vie. Je prendrai ta main sainte, je traverserai la route, je verrai briller ta lumière qui me guidera vers toi. Jésus, tu nous as révélé ce sera pire qu'au temps de Noé. Rapproche-nous tes enfants qui crient ton nom jour et nuit. Rapproche-nous tes enfants qui crient ton nom jour et nuit. Jésus, tu es ma lumière, ne me laisse pas.